Bonjour François Morel, c'est à vous. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes jeune, vous avez toutes les questions possibles et imaginables à poser. Un seul numéro, le 01 56 40 43 57. Les petits bateaux, chaque dimanche, des professionnels ou des amateurs, mais toujours passionnés et passionnants, y répondent. Bonjour, je m'appelle Timothée, j'ai 4 ans et demi et je voudrais savoir comment on fait pour se tirer une balle dans le pied. Merci de votre réponse. Je voudrais savoir aussi si ça fait mal. Oh, elle est bien la question, Timothée. C'est vrai, comment on fait pour se tirer une balle dans le pied et est-ce que ça fait mal? Pour y répondre, une spécialiste, Nathalie Loiseau. C'est facile, Timothée. On achète un pistolet, on vise par exemple entre le gros orteil et le secondus ou entre le centrus et le préextérius et on tire. Bon, j'avoue que sur le coup, c'est assez douloureux. Merci Nathalie. Je rappelle que Nathalie est diplomate, mais plus par fonction que par tempérament. Elles sont vraiment captivantes, toutes les questions de nos jeunes auditeurs, parce qu'elles abordent tous les sujets. Maintenant, c'est Léonard qui a une question pratique à poser. Bonjour, je m'appelle Léonard, j'ai 3 ans, 3 quarts, et je voudrais savoir comment on fait pour avaler son sapeau. Merci beaucoup, aussi je voudrais savoir si c'est bon. Alors, elles sont formidables tes questions, Léonard. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à manger. Une noix de coco, une papaye, un ananas, une mangue ou des ortolans. Pour te répondre, Léonard, on a demandé à une spécialiste du manger de chapeau, Nathalie Loiseau. C'est facile, Léonard. On achète un chapeau. On le découpe en morceaux, en plus petits morceaux possible parce que bon, c'est pas facile à manger. Et on met tout ça dans une assiette. Selon son goût, on ajoute de la vinaigrette ou de la chantilly. Mais enfin, j'avoue, le chapeau, c'est pas mon plat préféré. Personnellement, je préfère les frites. On a encore le temps d'écouter une question et c'est Manon qui la pose. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 8 ans et demi et je voudrais savoir si la condition féminine s'est améliorée depuis 40 ans. Alors là, je crois que je peux répondre directement à ta question, Manon, puisqu'il y a 36 ans, Françoise Giroud, avec un sens de la formule indépassable, disait « La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où un poste important » on désignerait une femme incompétente. Eh bien, réjouissons-nous, Manon, parce que ce jour est arrivé et la prédiction de Françoise Giroud montre que l'évolution concernant la condition féminine va vraiment dans le bon sens. Mais peut-être que notre spécialiste, Nathalie Loiseau, veut ajouter quelque chose. Non, ça va aller, là. Merci beaucoup, François Morel, et merci Juliette Acus, qui a fait une très... parfaite, Nathalie Loiseau. Acteur studio. Acteur studio.